petit je ne sais quoi qui me fait briller parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, je m'entends crier, oh non, jamais je ne pourrai l'oublier car elle et moi sommes liés. Avant elle aimait être seule, qui aurait pu imaginer qu'elle deviendrait un jour ma boussole à laquelle je pourrais me fier. J'espère que vous allez passer, non, je crois qu'il y a 1h20, tu m'as dit ça, 1h20, ça, il y a 16 morceaux d'écoute, vous allez avoir le tout le temps, profitez bien, tranquillement. N'importe quoi, bébé sans toi, oui bébé sans toi, je fais n'importe quoi.